et le nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Black M. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap avec Monsieur Black M qui est là, comment va? Ça va très bien Fred. En pleine forme? Bien. On approche de la réédition de l'album, c'est lundi 17 dans les bacs. Lundi 17, 8 inédits, on le répète tous les jours depuis le début de la semaine, 8 inédits. Les yeux plus gros que le monde plus gros que mes yeux. Le monde plus gros que mes yeux, t'en mêles pas. Bah, en même temps, il y aura l'autre aussi, donc on aura tout. Oui, il y a l'autre aussi. On a la totale, donc n'hésitez pas. La réédition ce soir, une grosse émission, hier c'était bien. Ouais, bien depuis début de semaine. De toute façon, tous les soirs, c'est bien. C'est vrai. Une grosse surprise chaque soir. On va saluer Abou de Ben qui, par contre, n'est plus une surprise, mais vient tous les soirs. Oh, tu as une. Pessa, il est pessa ce soir. J'ai pris un peu à froid, surtout qu'il était en train de prendre un petit dessert, là. Il se mettait bien et. Tranquille, grosse dédicace à Popelini en même temps. Ouais. Les meilleurs choux. Ah, ils défoncent leurs choux. Sinon, ça va ou quoi, Fred? Bah, écoute, en pleine forme. Aujourd'hui, je suis très content. J'ai une annonce à faire, voilà. Ah. J'ai une Tout de suite. J'ai un clip qui est dispo. J'ai fait le remix d'un son de notre gars Alan's, grosse dédicace. Il est disponible dans 5 minutes à 20h. À 20h. Sur le site watiti-b.com, de Bengri Bonus. De Bengri Bonus, allez cliquer et puis réagissez. C'est du lourd, je suis témoin de la dinguerie. Avec le hashtag Black M sur Skyrock. Peut-être un live de ton gars de Bengri, si tout se passe bien. Et bah, si tout se passe bien, ce sera donc peut-être avant la fin de l'émission. Peut-être. L'inso est là aussi. Yeah, bien. En pleine forme. HQ est au platine comme d'hab. DJ HQ comme d'hab, on a mon ami YB qui est là aussi. Ouais. BY qui est là parmi nous. Mon gars sûr, BY vient dire chose qu'elle. Je suis là. Comment ça va? Bien ou quoi? Et toi, BY? Tranquillou. Depuis la dernière fois, t'es venu, c'est quoi, avec Masca? La dernière fois? Non, avec Black, pareil, pour la sortie de son album. C'était, ouais. Je t'étais pas venu entre eux. Ah, il me semblait que t'étais venu à eux. Il y avait les chroniques. Les chroniques du Wally Boss. Exact, ouais, avec un gros freestyle qu'il nous avait lâché. Ouais. Et qu'on peut toujours mater sur le Skyrock FM. Ouais, elle est toujours en ligne, la famille, allez cliquer. Allez cliquer, vite. Et avant de débuter ce Planète Rap, on va surtout se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est parti. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Souriez sur Skyrock, souriez. Souriez. 17 novembre, les bars. Je garde le sourire, personne ne comprend. Précommandé. Je garde le sourire. Souriez. Alors qu'il fait son entrée dans le studio à l'instant même, le grand docteur. Le grand docteur Berriz. Tu es arrivé tout à l'heure en disant j'ai un morceau. Ouais. C'est le morceau un petit peu zéro qui va annoncer la suite. C'est le premier morceau que je vais lancer en fait pour parler de moi, pour parler de mon album. Balance le truc. Pour donner un avant-goût, allez, HQ. Dès que ça chauffe trop, on arrête. Planet Rap. Le dernier négro, DBZ, ISP, yeah. Le philosophe, Dr. Berriz. Planet Rap. Arrêtez. Dédicace à la section d'assaut. Yeah. Agba, c'est comment? Fallou. Planet Rap. Il suffit de dire allô. Allô. La belle ville Zin. La belle ville Zin, monsieur. Alonso est là, comment va? Bonsoir à tous, bonsoir la famille. Ça bien ou quoi? Toi, tout se passe bien? T'es en train de bosser aussi, enregistrement de ton solo? C'est terminé. Ça y est, c'est fini? Là, logiquement, dans les jours à venir, on va annoncer la date officielle de la sortie de l'album avec le troisième extrait. Les rappeurs en chien, je vais leur offrir à tous des vacances. Club Med. Black M dealer, que j'ai les yeux plus gros que mes couilles. Que je déplace tout avec les couilles. Que si la France est avec moi, ce n'est pas ma faute. Planet Rap. Oh là là, c'est le festival de Cannes. Là, Omar, ça va? Omar. Ouais, voilà. Ça va ou quoi, les gars? Black M, voilà, mais écoute. Ça me fait plaisir, moi, de vous avoir au téléphone, surtout pour le panel rap de Planète Rap de Black M. Merci. C'est les petits frelons, j'aime bien toute l'équipe. Mais Black M, c'est vrai, on a un petit truc en particulier, c'est qu'on parle le même dialecte. Donc, Exactement. Il y a un truc en particulier, on suit depuis longtemps. Donc, juste pour dire, je suis très fier de vous, les gars, de toi, Black M, particulièrement. Là, merci. J'ai entendu double disque de platine. Et encore. Petit frérot, félicitations. Merci beaucoup, tu me fais plaisir. Franchement, merci. Franchement, c'est toi l'exemple. Ça fait kiffer. Et Omar, d'ailleurs, écoute. Oui, dis-moi. Ouais, non, je disais, qu'est-ce que t'écoutes, toi, d'ailleurs, beaucoup en ce moment, à LA? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Moi j'écoute en ce moment, j'écoute sur ma route. On the road, puisqu'il y a la version en carré qui existe. Il y a la version carré. Voilà. On the road. Elle passe en boucle ici. Bah ouais. Ah, c'est cool. Tout le temps sur la télé, sur la... C'est cool, ça fait grave plaisir en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, Omar, tu parlais de fierté pour Black M, et c'est aussi une vraie fierté d'avoir un mec comme toi, voilà, qui a une carrière juste incroyable, qui maintenant vit un truc, je suppose, extraordinaire aux États-Unis. Bien sûr, lui, c'est l'exemple, merci, c'est le plus grand exemple. Et t'oublies surtout pas la France, parce qu'il y a le dernier film de Omar Chabaz, t'es voir Samba avec Charlotte Gainsbourg. Franchement, voilà, une fois de plus, bravo Omar d'être toujours là, d'être toujours présent. Et de nous faire toujours autant kiffer. Merci pour le soutien, Omar. Merci à vous, avec plaisir. Lâche pas, continue, trace bien ta route. Ça marche. On est très fiers de toi, mon petit Raph. Merci, c'est gentil. Défonce tout, refait. C'est gentil, merci beaucoup. On est très fiers. Omar, à très bientôt. Omar, pendant qu'on t'a deux secondes, c'est quoi les prochaines sorties pour toi? C'est quoi les prochaines sorties au ciné? Les prochaines sorties, c'est en juin, il y a Jurassic World. Et je sais pas quand, je passe dans l'été un autre film qui s'appelle Adam Jones, un film sur la cuisine avec Bradley Cooper et un casting très très lourd. Ah ouais, non, c'est un autre stade. On n'est pas prêt, quoi. Eh ben, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci Omar. Merci à beaucoup. Vous, les gars. T'es un tueur, merci. Adiaram, petit, Adiaram. Merci, Adiaram. Ça finit galé. Ça marche, merci. Bon, portez-vous bien. Portez une double platine, mon frère. Merci, frère. Double platine. Congrats. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, merci d'avoir été dans Planète Rap. Ça fait toujours plaisir de t'avoir, en tout cas. Ciao. Avec plaisir. Ciao. À l'instant, Omar en direct de Los Angeles. C'est vrai que c'est une vraie fierté aussi, voilà, des réussites. On parlait de la tienne. C'est une grosse fierté. C'est l'exemple le plus haut qu'on peut citer. Et comme il a dit, il nous suit depuis le début. Et il parle le même dialecte. Ouais, on est des Peuls. C'est une ethnie d'Afrique de l'Ouest, et même de toute l'Afrique même. Toute l'Afrique, on est beaucoup en Afrique de l'Ouest. Et beaucoup super. Sénégal aussi. Sénégal, Guinée, Mali, Cameroun, il y en a partout des Peuls. Et donc voilà, ça fait un moment on se connaît, ça fait un moment et on se suit. Même si c'est dur de le suivre, lui. Et bon, voilà. La prochaine étape, t'as entendu? On the road, le remix. Ouais, c'est voilà, ça. Voilà, c'est la prochaine étape. On va aller le faire. C'est la prochaine étape. Allez, on débute avec un morceau, je garde le sourire. Yes. C'est parti, Black M, le Planète Rap, toute la semaine entre 20 et 21. 17 novembre. J-I. Ça arrive là. 1. Dédicace à mon gars Vasso. Sorry, bah, on est ensemble. Grosse dédicace à mon gars Chris. The Nine. Yeah. Le 13ème. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui, je l'ai voulu, mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi, car tout le monde connaît mes sons. Cœur malade, court après la guérison. Mon public ne peut pas me comprendre, je suis dans l'autodérision. Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup. Venez nombreux le 17 novembre à la Wati Boutique, à partir de 16h. Je serai là. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Depuis je garde le sourire, je prends sur moi. Ce maquillage fait que tu ne me vois pas. Je suis un clown, je souris. Je suis un clown. Des années pour arriver où je suis. Dans l'entreprise, personne au-dessus de moi dans la hiérarchie. Yeah. Je suis un homme accompli. Je suis censé être heureux, moi-même j'ai pas compris. Scotché sur ma chaise suite au dernier coup de fil. Le médecin me fait comprendre qu'à chaque réunion, je perds un bout de vie. Dans mon domaine, je suis le meilleur d'après la rumeur. Mais d'après elle aussi, je suis atteint d'une grosse tumeur. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Depuis je garde le sourire, je me vois la face. Et ton regard fait que j'envie ta place. Le 17 novembre dans les bacs, la réédition. Le monde plus gros que mes yeux, Igo. Je suis un clown, je souris. Je suis un clown, je souris. Je garde le sourire. femmes vont se reconnaître et diront que les pots cassés ne peuvent pas se recoller. Yeah. Victime d'un homme fou allié, les coups sont invisibles pour une mère au foyer. Elle pleure, son maquillage coule, ses enfants ont peur, elle fait croire que tout est cool. La femme est une patente, elle est si épatante. Son instinct animal fait qu'elle presse sur la détente. Un soldat qui n'a pas ton temps, qui sourit mais on sait pas comment font. T'as sur le mal, même le clown voit pas ses sentiments. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend le clown. Depuis je garde le sourire, personne ne comprend le clown. Je suis un clown. Je suis un clown. Je suis 17 novembre. Je garde le sourire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Personne ne comprend le clown. Je garde le sourire. Personne ne comprend le clown. Axel, yeah. Je garde le sourire, c'est sur la réédition de l'album de Black M à découvrir cette semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Bientôt le clip de Je garde le sourire. Ça y est, oui, il était tourné là cette semaine. Ouais, cette semaine. Il a été tourné. En parlant de clip, là, il y a le clip de mon gars sur De Bang qui vient de sortir. Il y a un partout. Ça y est, il y a 8 minutes normalement. La De Bang Gris, le remix du morceau Y a rien à faire de Alonso. Enfin en ligne. Donc, allez-y, pas c'est n'importe quoi. Très bien, et puis réagissez avec le hashtag Black M sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio pour suivre entre 20 et 21. Dans un instant, on mettra un autre morceau. Si Black M, rappelait que t'es en dédicace, jour de la sortie. Jour de la sortie, à la Wattie Boutique à 16h. Venez nombreux. 16h, nombreux. Dédicace, c'est à la Wattie Boutique. Et le 21 novembre, juste avant le concert à Marseille. À partir de 15h. À partir de 15h à la Wattie Boutique de Marseille, évidemment. Yes. C'est le 21 novembre prochain. La tournée, c'est aussi demain soir du côté de Clermont. Toutes les dates sur le Skyrock FM. Hein. Tu veux enfiler quelques-unes De Clermont demain. Après, le 20, on sera à Montpellier. Le 21 à Marseille. Le 22 à Toulouse. Le 23 en Suisse. Le 30 à Brive, mais c'est complet, malheureusement, pour ceux qui veulent se déplacer. Le 4 décembre à Paris. 4 décembre, grosse date. Énormément de surprises ce jour-là. Venez nombreux. Après le 5, on sera à Amiens, le 19 à Pau, le 20 à Le Mans, et enfin on termine le 21 à Amnéville. Amnéville, et puis après d'autres dates aussi en 2015. Ça, ouais, on va prendre une petite pause et on reprend le 21 février par Bruxelles et jusqu'à ce que. Jusqu'à fatigué. Bon, ce soir sur Skyrock, il y a aussi une partie d'Institut qui est là, comme d'hab. On salue. Comme d'hab. J'ai vu passer H de Guerre qui était dans le coin. Le H de Guerre, il est pas là. Et si, BY qui est là aussi avec nous. Oh ouais. BY, toi, tu bosses sur quoi là? Tranquille, je vais balancer des petites capsules. Il y a mon projet, mais. Lui, il arrive doucement. Ouais, il arrive doucement, lui. Tu vois pas à chaque fois qu'il vient. Tu nous l'as présenté, BY, je me souviens que tu l'as présenté. Ouais, c'est lui. C'est le grand. Il vient le soutenir. Alors, voilà. Tu trouves qu'il évolue bien, ça va? Il évolue super bien. Il est sérieux? J'ai fait un morceau avec lui dans la réédition, tu vas l'entendre. Ta tête, elle va bouger toute seule. Ah, gros. Et bon, on l'écoutera dans un instant. Et puis nous, on est parti dans la rue demander, parce que c'est vrai qu'il y a plein de messages qui arrivent pour toi, Black M, hein, généralement très bon. Là, quand on tend le micro, on dit, qu'est-ce que ça vous évoque, Black M? Black M, c'est qui pour vous? La réponse de la rue, ça donne ça, c'est le son de la rue. Elle nous écoute là? Ouais, j'aime bien. C'est le meilleur, on t'aime. Voilà. Skyrock. Le son de la rue dans Planète Rap. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. Je suis en direct là? Ah ouais. Là, je suis sur Skyrock. Que j'adore ses musiques, je l'écoute depuis longtemps. Ouais, c'est un chanteur. C'est un rappeur. Là, il est passé Skyrock hier, non? Là, j'écoutais, il est passé. Tes sons, ils sont trop bien, continue. Voilà, je t'encourage et je suis fan de toi. Non, je peux vous déranger une seconde, on est sur Skyrock. Pas grave, c'est ma radio sûre. T'aimes te faire belle, oui. Je sais pas le titre, mais t'aimes te faire belle, oui. T'aimes briller la night. Ouais, j'aime bien l'ensemble, j'aime bien le rappeur en lui-même, tu vois. Reste Compté, t'es un vrai, et c'est à moi de faire une petite photo, pourquoi pas. Ouais, trop de commercial, ouais. C'est du commerce qu'il fait. Il a raison, il va faire des lovés. Il est grave beau et c'est mon gars sûr. Même ses gros yeux, j'aime bien. C'est célibataire. Non. Célibataire ou pas? Parce que moi, je suis célibataire. C'est un bon rappeur. Il a des bonnes punchlines. Déjà, j'aime bien un truc là. Il a sorti une musique. T'aimes te faire belle, t'aimes briller la night, je sais pas quoi. Ouais, avant, il était avec Section d'Assaut, tout ça. Mais dans Section d'Assaut, on le voyait pas trop. Mais c'est intéressant parce que le son, il est. Tu vois, tu peux danser, tu peux écouter, il y a tout. Et tu peux penser. Il continue comme ça parce que il fait du bon son quand même. Non, moi, je vais lui demander c'est quoi son prochain son. Le son de la rue dans Planète Rap. Voilà les réactions, Black M. T'es pas obligé de répondre aux questions qu'on te pose, hein, je te rassure. Il y a de bons commentaires. Il y a de bons commentaires. Voilà. Ça fait plaisir. C'est quand on tend le micro, on dit alors Black M, ça vous évoque quoi? Dans la rue. Bah, c'est sur, cool, hein, sur un cool. panel, sur un échantillon de gens qui passent. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Black Tiens, M. Je suis obligé de présenter mon gars, le H de guerre. Et le H de guerre qui est là. La présence qui est derrière moi. Il est obligé de dire un petit mot, lui. Ah, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bien, tranquille. En forme? Ouais, on est là, hein, t'as vu, ça s'arrête jamais. Hein. À chaque fois que je viens, t'as vu, je viens de soutenir les frérots. Que ce soit mon équipe, l'institut, que ce soit tous les membres du WatchIB. On est ensemble, tout le monde sait que quand un sort au projet, on est tous derrière. Tu vois, on essaie de donner de la force comme on peut, tu vois. Donc franchement, aller tous péter la réédition, franchement, c'est du lourd. Il y a du boulot, tu sais, il y a un travail sérieux derrière, tu sais. Il y a des mecs comme Debain, comme beaucoup de gens, tu sais, qui appuient, qui bossent dans l'ombre aussi, tu sais. Donc, faut le dire. Donc, franchement, respect à eux. Tu connais, comme d'hab, Casdeda, Tumigo, Carpla, Marlon. H de guerre qu'elle a avec nous aussi. Yes. Soir entre 20 et 21. Venu apporter de la force autour la du force, projet. La force. Et qui sort le 17 novembre. On écoute un morceau du projet, Black M? Ouais, on se remet, on se fait du mal. Ah, très bien. Un morceau qui marche beaucoup. Celui-ci, depuis qu'on l'a lancé. Ouais, tu l'as fait en live dans l'émission. On a pu le découvrir lundi entre 20 et 21. Yes. Avec une chorégraphie incroyable. Gros morceau. Incroyable, la chorégraphie. Vous savez, de toute façon. Allez, cliquez, on se fait du mal. Maintenant, c'est Black M sur Skyrock. Dédicace à mon gars John Café qui est dans la plaza. Yeah. Mon refrain, j'suis désolé. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, j'pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. J'avoue ton cœur je l'ai cambriolé. J'sais que ton intimité s'est fait violer. Et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement je pourrais te dévorer. Mais dans ta vie je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés. Les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. se fait du mal. C'est sur la réédition de Black M qui sort lundi 17 novembre, à pas louper. Yes. À la Wati Boutique, tiens, je leur dis parce qu'on nous a demandé, c'est lundi aussi, pareil, hein, la séance dédicace. Lundi, séance dédicace à partir de 16h à la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie. Et nombreux. Le 21 novembre pour les Marseillais à 15h à la Wati Boutique, pareil. Et tiens, j'en parle aussi pour signaler que bientôt avec l'application Skyrock Cashback, on va faire une OP avec tous les fringues Wati B, donc pas mal de réductions. Et puis surtout, l'appli vous permet de recevoir du cash directement sur votre compte en banque. Donc la semaine prochaine, là, dans les jours qui viennent, bien. Soyez attentifs. Faire une grosse OP avec le Wati B et toutes les nouvelles tenues du Wati B. Sur Skyrock, dans quelques instants, on va être de retour. Qu'est-ce qu'on va passer, Black M? Je pense qu'on va se mettre le morceau avec BY. Ouais, ouais, ça va tout péter. Je l'ai pas écouté, toi, non? Mais si, j'ai écouté la réédition BY. T'as bien aimé ou quoi? Mais j'ai bien kiffé, mais surtout, je trouve que pour la réédition, d'avoir 8 morceaux comme ça, généralement, c'est vrai que parfois les rééditions, c'est. Normalement, ça c'est 3-4. Ça peut paraître simple, c'est-à-dire que tu prends 2-3 petits inédits qui traînaient dans des tiroirs, ouais. Tu les arranges un peu, tu mets un peu de vidéo et tout, mais là, c'est vrai que c'est. On le disait depuis le début de semaine, c'est comme un album. Ouais. T'as fait comme un album, ouais. 8 titres. Et puis on l'entend déjà avec Je garde le sourire, ou alors celui-ci, on se fait du mal. On se fait du mal. Hier, on a écouté Foutu Mélodie aussi. Et là, on va découvrir le morceau avec BY. Non. Avec BY, dans un instant, à pas louper sur Skyrock, entre 20 et 21. Bougez pas, le retour de Planet Rap. Il y aura le freestyle aussi avec vous, c'est après ça. Black M a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planet Rap avec Black M cette semaine entre 20 et 21. La réédition, ça arrive lundi 17 dans les bacs. Yes. À pas louper des extraits inédits. Du live aussi tout à l'heure, Black M. Du live, ouais, je vais faire le live de C'est tout moi, parce que c'est un morceau que j'aimerais remettre en avant durant la réédition. Et après, Debeng, il va nous faire une debengerie. Tout simplement. Une debengerie. À pas louper d'ici quelques minutes. Peut-être BY aussi, s'il est chaud. S'il est chaud. Déjà, on va s'écouter le petit extrait. On est toujours chaud, nous. C'est la question, on se pose pas. On verra bien. J'adore cette insolence. C'est côté, genre. Toujours chaud, moi, pas de problème. Bon, bah écoutez, en tout cas, votre morceau à tous les deux. Yes. Figure sur la réédition. Un petit mot sur le morceau, Black M ou BY. Tu veux parler? Ouais, moi je trouve que c'est un trop gros morceau, il est trop lourd. Franchement, je le kiffe trop. Je sais pas, il me fait rappeler mes ambiances de chez moi, mon pays et tout. Ambiance très orientale. Ouais, orientale, ouais. Ouais, ambiance très orientale. Gros délire. D'où le nom de Jamel Fna. Ouais, voilà. Voilà. Dédicace à la place Jamel Fna. À Marrakech. Marrakech. Et ben on écoute le morceau maintenant. HQ au platine nous le balance, c'est extrait de la réédition. Il est HQ. Tunisie, Maroc, Algérie. Uh-huh. Et bien sûr la Guinée. À tous les refrains. Et bien sûr le Mali. Salam alaikum. Abdullah Beda. Sous-estimé, le blague ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Yeah, yeah. Le monde plus gros que mes yeux. Sous-estimé, le blague ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Oh. Check moi la main que si t'es pas maudit. Je suis à des années-lumière comme pas maudit. Les anciens me parlent, me disent que tu restais le même. Les types, eux sont fêlés pour un rire, ils te mêlent. Foutu mêlo qui fait bouger les cavures. Tu crois toucher le bleu, on se demande qu'est-ce que t'as vu. Pourquoi ils parlent, ils sont devenus tous Asmine. Le sage du me file, je paye mou Jasmine. On laissait pas les dire à mon dire chant de Dolola, d'Alcom, Petro Dola. Tapis dans l'ombre, s'il le faut, je le fais voler. Je suis un vendeur de rêves, mes concurrents sont affolés. J'ai mieux que Wigga Wigga, mieux que ta putain de weed. Je me contiens juste parce que je veux pas qu'on me prenne pour une idole. Je viens de Berries in the middle. Celui qui te parle, qui t'a mis dans. En direct, je suis sous fil, en direct, je les kill. Ne fais plus jamais ça. Je remplace une pourrissage, je garde sarcelle à mi-fa. J'arrive sur un chameau, je repars dans un gamme. Moi, je veux suivre, arrive en moi, je ne m'arrête pas. Je suis roi à l'Orléans, on a ensemble mes refrains. Sous-estimé, le blague ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Sous-estimé, le blague ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Jardin. j'arrive dans le game, bizarrement toi t'es pas là. Passez-moi le mic, j'suis avec Black and Yellow Hella. Eux ils tapent dans le zeb, j'ai la dalle de Venu. C'est relou, relou. Tout est rallye. Choisis bien tes copilotes, la vie est un rallye. Tout nous relie. Le rap, je vais lui taper sa tombe, j'y finira par ma rallye. Wesh, vélo, je m'arrache à ma caisse. Tu me connais, je suis déterminé, je bâtis ma vie comme un gage. Quand tu te la racontes, t'as fait péter la taille. Moi, je suis dans mon délire, pour toi, j'ai fait péter la taille, ok. Wesh, vélo, je m'arrache à ma caisse. Tu me connais, je suis déterminé, je bâtis ma vie dans comme la place. Quand tu te la racontes, t'as fait péter la taille. YB, BY. Sous-estime, BY, ne fais jamais ça. Sinon, je te fais payer le triple comme un chien, mais le snap. Sous-estimé BY, ne fais jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Gainness, gainness, gainness. Alawa. C'est dans, c'est dans, c'est dans. C'est dans, c'est dans, c'est dans. C'est dans, c'est dans, c'est dans. BY. C'est dans, c'est dans, c'est dans. Mon gars Chameau. Yeah. Mon gars Abdella. Bakri Bakos. Personne ne sait. Bakri Bakos, mon gars sur le pacte. Sous-estimé, le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Non. Oh. Libère Anselme. Sous-estimé, le black ne fait plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Non. Oh. Aïe aïe aïe, ça à l'instant, c'est un extrait, la réédition. Et justement, tiens, on va être sérieux deux secondes, parce qu'on dédicace à l'Afrique. On a parlé aussi beaucoup du Maroc avec l'annulation de la CAN au Maroc, en tout cas. T'as fait partie des artistes mobilisés justement sur le virus Ebola. Ouais. J'ai vu que t'as fait partie des premiers artistes mobilisés justement à sensibiliser les gens autour de ce virus qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts en Afrique, on le sait. Exactement. T'es encore impliqué, tu suis encore régulièrement. Je suis obligé d'être impliqué parce que c'est en plein cœur de mon pays d'origine. La Guinée, ouais. La Guinée. Donc moi je reçois les informations directement des oncles, des tantes, des cousins, cousines. Donc forcément je suis obligé d'être impliqué et je soutiens à 100%. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que c'est vrai que nous parfois on a tendance d'un seul coup à dramatiser très rapidement ici en Europe. C'est un prétexte aussi à fermer les frontières. Enfin c'est, de temps en temps ça peut servir aussi à ça. Mais c'est quand même l'alerte rouge parce que le virus il est là, il est présent. Il tue. Et ouais, il tue aussi. Et du coup, c'est l'alerte rouge. Personne ne peut sortir de chez soi. C'est des grosses précautions à prendre. Du coup, les gens, ils ont pas de travail parce que ça ferme, tout ferme. Et du coup, c'est l'alerte rouge. On est obligé de toujours. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le même. Malheureusement, toujours la même chose. La même chose actuellement en Guinée notamment, et puis sur d'autres pays d'Afrique. Et sur d'autres pays d'Afrique. Et sur d'autres pays d'Afrique aussi. Ouais. Donc voilà, c'est bien de temps en temps se renseigner, de savoir un petit peu où ça en est, parce que nous ici, on passe souvent d'une info à une autre. Non, après, t'entends plus parler des choses. En tout cas, là, on peut dire que c'est toujours l'alerte rouge et que on donne le maximum de force qu'on peut. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Grosse pensée, grosse pensée. Voilà, grosse pensée. À l'instant, sur Skyrock, le morceau donc s'appelle Jam El Fna, on le retrouve sur la réédition. Hein. Ouais. Avec BY. BY, notre invité. Lâchez vos commentaires, on les lit tous là. Allez-y. 41759 avec le hashtag voilà. Black M sur Skyrock. On accueille tout de suite Kéfir de Saint-Etienne. Ça va bien, Kéfir? Yes, ça va, Frédérico? Et toi, Kéfir, en forme? Nickel, ouais, en forme. Bien rentré à Saint-Etienne? Bien rentré, très bien rentré. Dur, mais très bien rentré. Kéfir est venu faire une nocturne avec nous il y a quelques vendredis de cela. Il a planté la voiture. C'était compliqué pour rentrer à Saint-Etienne. Ah oui, bah, j'étais monté avec une R21 Nevada Break, s'il connaît. Bah, écoute, tout le monde à un moment ou à un autre est passé par des modèles peu concluants en termes d'automobile. Bon, en tout cas, ça va, tu es bien rentré à Saint-Etienne, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, nickel. Hâte d'écouter le nouveau projet de Monsieur Black M. Yes, mon gars sûr. Monsieur Black M, j'ai vraiment, vraiment, je tenais juste à te dire à tous les détracteurs qui disent que par exemple Section d'Assaut, Black M, tout ça, c'est du rap pas très technique, pas très machin. Je vous invite juste à écouter Troisième Prototype enrayé. Ah, vous écoutez juste. Il a dit les vrais trucs. Troisième truc classique. Ah, Kéfir, il connaît bien le rap français, ouais. C'est un gros fan de rap Black français. M. Merci. Juste le couplet de Black M, vous allez voir, c'est un truc de malade. J'entends parler de Belle Époque. Ça tue. Merci, ça tue, frérot. Ça tue. Merci. Vraiment, et ce, tout le projet d'ailleurs, toute la mixtape proto, troisième prototype, écoutez-la, et écoutez le morceau Écoute aussi, avec un mec qui gueule derrière un peu chelou, mais vous allez voir, il est mortel aussi le son. Merci frérot. Eh ben voilà, Kéfir, ouais, gros fan de rap français, il écoute beaucoup, et puis lui, il pratique aussi, hein, il a un album qui est dans les bacs, Kéfir, un projet qui est dans les bacs, et qu'on, yes, peut, qu'on peut aller se procurer. On t'écoute rapper maintenant, Kéfir, c'est parti? Yes, c'est parti. C'est sur freestyle par téléphone, on y va. Yo, ok, Kéfir, hein. Yo, mec, y'a un pack et des skips que tu m'as sorti. Je fais pas le bonhomme sur un ordi, je mets des claques et des chiffres là hors des sorties. Pour toi c'est morti, t'es censé mort, je t'envoie dans les cordes ou dans les orties. Je fais du hors-piste, on torplie, tout est bite, tes bites, on les torpille, tout est dit. Non non non, tu veux boycotter nos prestations, t'es trop coté dans tes stations, c'est abusif. Ensuite ils disent de la musique avec passion. Y'a trop de haineux et leur discours est contradictoire. Je passe pour un enfoiré, tout dépend qui te racontera l'histoire. Trop de jaloux, ça me défecte, ils ont pas d'ambition. Dis on tente peur, je suis en mission comme Sam Beckett. Je suis un couteau suisse, je suis dans la place de polyvalence où tu boiras quelques gouttes nocives. Je suis pas naïf, t'es face, c'est de la pacotille. Et tout ta panoplie, ta bande de nazes ne fait pas la diff. Si je fais un tabac, les jaloux mettront un nicopatch. Trop de tarbas qui va l'ouel ou paf quand le pico tchatch. C'est le beat total, c'est son mec, ton faux vignolet. T'es l'éric, tu me portes l'œil bidon, mais on peut ignorer ton iris. C'est la chat, roulette russe pour baisser une boulette de plus. C'est du fat que j'expuse, brûler ta brochette de cuse. Garde la pêche, wesh, motherfucker. Comme l'a dit Ellie, c'est la French Touch à la hauteur. Comme la Vinelli, si vous êtes hors norme, hors temps, sachez que je remets tout au tempo. Avec ma coupe au bento, je suis plus cassé hors norme. En hors bord, tu veux surfer sur mon vague à l'âme. Balancer du haut de gamme, Trump, petit padawan. C'est One Mike, Marshall, Médric et le pitre. One Lie, on prend le time pour t'extirper le titre. Leur mort on prédit, c'est impossible de négocier. Kéfir, Josh, balance, toi t'es content de toi mec. Toi t'es content de toi, mais moi je fais confiance à l'auditeur. C'est mon contre-emploi, je me déploie pour plaire aux chroniqueurs. Balancer des trucs purs, c'est la devise de l'équipe. Produire des beats et des kicks sans la moindre structure. On se procure notre propre promo et propre. On avance face à trop de murs. La vérité, on a le salaire de l'intermittence. L'impertinence ne paye pas, ne fait pas si t'en avais l'idée. Interdictance, depuis l'époque des booms, j'rappe. Adolescence étalée sur des prods boom bap. J'en place une pour le One Mike, Frédérico, Fabien, Fabien, Fab, Fabien. Hier, yeah, que j'ai confondu avec Emery, Kéfir, One Mike, K-E-F-Y-R. Check. Merci à toi Kéfir, bon hein, Kéfir, bravo, bravo, ouais, bravo. Il est très très lourd le rappeur. Très très fort lourd. Kéfir. Ça kick. Ça kick. Avec l'équipe One Mike qu'on salue évidemment Kéfir. Petite dédicace à passer, petit message. Rappelle-nous aussi où on te retrouve sur le net Kéfir. Yes, on me retrouve alors sur mon Facebook, c'est K-E-F-Y-R, c'est Kéfir, K-E-F-Y-R, et il y a des clips sur YouTube aussi, c'est K-E-F-Y-R, il y a Le Pitre, il y a pas mal de clips qui tournent, voilà, n'hésitez pas à cliquer, voilà. Merci à toi Kéfir. Je vais merci pas continuer frérot. Parce que je sais que cliquer, ça évoque quelqu'un, mais j'ai pas envie de l'évoquer. Ouais. Je vois pas. Et merci à toi. Merci Kéfir. Ouais, pas de soucis, merci à vous. Et je pense qu'ils sont bien reçus là-bas. Merci à toi mon pote, ciao, passe une bonne soirée. On est avec Black M ce soir entre 20 et 21. Et là il est déjà grand temps de passer au live ce soir. On passe au live. On va passer au live si tout le monde est prêt. On va débuter avec quoi? Avec toi, avec toi Black M? Ouais, je vais faire le live d'un des morceaux de l'album. C'est tout moi. C'est tout moi, c'est un morceau de l'album plus gros que le monde. Et c'est maintenant en live sur Skyrock avant de passer à la De Bengri également, à pas louper dans un instant. Et B-Wairi dans quelques minutes. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas. Car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Je suis plus le même. Oui, je sais, mais comment te dire que je t'aime? Est-ce que tu sais? Je me regarde, je me fais de la peine, je sais c'est triste à dire. Je me regarde et j'ai la haine, j'aimerais disparaître. Quand je pense à nos débuts, c'est là que je me dis, franchement, je suis trop débile, mais là que t'es fait. Je crois pas qu'il faut t'avouer et pardonner. Oh non, je m'en veux, ouais, parce que je vois que t'as mal. Tu me diras c'est facile d'en faire une chanson. Je te répondrai c'est difficile de vivre dans le mensonge. Et tous ces gens autour qui ne font que parler, seuls nos cœurs pourront leur dire qu'on est bien plus que mariés. Oui j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. Yeah. C'est tout moi. Oui j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Y a ceux qui veulent une vie de rêve et celles qui rêvent d'une vie où jamais l'amour crève. Mais ça c'est pas possible, je crois que tout tient qu'à un fil tant que je serai pas posé. Et écoute pour une fois que je suis grave plausible en ce qui concerne cette flamme que t'as tenté d'éteindre avec tes larmes. Arrête, je te le répète, tu te fais du mal. Et moi, je veux juste récupérer ma femme. Stop. Oui, je suis pas parfait. L'homme modèle n'existe pas chez les mortels. Serais-je maudit? Je n'en sais rien, mais je sais que sans toi, c'est comme si je vivais dans notre belle maison, mais sans toi. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Du mal à tourner la page comme si la plume qu'il a écrite pesait plus d'une tonne. Et vous arrêtez là, je me fous de peser. Le cœur plus gros que les yeux. Oui, j'ai menti mesdames, messieurs. Je brûle des étapes à force de jouer avec le feu. À force de jouer des personnages, je suis devenu fou. Et toi, ma chérie, oh pardonne-moi, je sais que je l'emporterai pas au paradis. Tout simplement parce que je suis un homme et pas un ange. Laisse-moi me faire du mal, je vais te venger. Et on dit que l'amour est aveugle. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se retrouver. Pardonne-moi car je n'ai pas su trouver mieux. On se regarde plus dans les yeux. Je prie Dieu pour qu'on finisse cette vie à deux. Les mains vers les cieux. Pardonne-moi car je n'ai pas su trouver mieux. On se regarde plus dans les yeux. Je prie Dieu pour qu'on finisse cette vie à deux. Les mains vers les cieux. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Yeah. En direct sur Skyrock. Dédicace à Naï Naï. PDG des Mureaux. Yeah. C'est tout moi. Le monde plus gros que mes yeux. Réédition le 17 novembre dans les bacs. DJ HQ. Là. Attends, je pense qu'on peut applaudir ce morceau en live à l'instant. C'est vrai que c'est un très beau titre de l'album aussi, celui-ci. Merci. Il est beaucoup demandé ce morceau, donc j'étais obligé de le faire en live ici. Et tu le fais en concert? Je le fais en concert aussi. En concert évidemment, en tournée dès demain du côté de Clermont-Ferrand. Dès demain, Clermont-Ferrand. À pas louper? À pas louper, bien sûr. Et là, là, tout de suite. Je pense que ça va être chaud, faut que tout le monde se lève parce que mon gars de Bengri. Il a préparé un truc bizarre. Une de Bengri, ça s'appelle. Le remix de Alonso, y a rien à faire. Et big up à mon gars sur Alonso. La mala, Spike Miller. C'est son la mala, la mala. Aussi, depuis 20h. Exactement, c'est ce qui est dispo sur le site watiti-b.com. The Bang. La de Bangri, remix du son du refrain Alonso. Esté ma gueule. Et là, on live dans Planète Rap. Yeah. Ensemble. Un. Yeah. Watiti-b. La mala, la mala. Remix. Spike, il faut bien que je guérisse, non? Un. Ton bec est taillé comme un Golgoth, type papier à Nietzsche. On a l'habitude de casser des legueux avec nos pieds. La musique de Dark Vador, on va mon frère car on dégousse. Elle aimerait que je l'épouse, moi je veux juste qu'elle me l'épouse. Le bang. Y'a rien à faire. On est en place. Y'a rien à faire. On est en place. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. On est en place. Y'a rien à faire. Libertalia, Cristal, News Café, je suis en place dans Paname. Je suis plus mis à poil, mais escorté par les gendarmes. Je la laisse faire les préliminaires, je suis un gentleman. Si tu me vois pas plus de 3 jours, c'est que je suis au head. Par serrer les seufs après le par lui, y'a rien à F. Y'a rien à F. Y'a rien à F. Si je te baffe dans ton check, R.A.S. Le même en tôle dans la rue ou à Sony. Ouais, je fais des pompes, je casse des gueules, mais je suis très poli. Je suis très poli. Je suis ivoirien, tapé dans l'œil. Mais on s'en gêne, même si ton bouc est taillé comme un col. Quand il va bien, Nietzsche. On a l'habitude de casser des legueux avec nos pieds. La musique de Dark Vador, on va m'offrir 40 dégousses. Elle aimerait que je les pousse, moi je veux juste qu'elle me les bouffe. Les gueules, y'a rien à F. Oh, Nébé. On est en rien à F. Oh, Nébé. On est en rien à F. Oh, Nébé. Tous les loups bas à ma table n'aiment que les gros trains, ça bat. Pour un verre de Belvedere, on fait danser le Mapuka. En tout cas, si on se connaît pas, tu pourras pas me louper. Fire qu'une Nike sur la tête et des Balenciaga au pied. Dans la rue, j'ai liquidé, quantité, qualité. Au jugement, pas inquiété, fuck, j'suis pas inquiété. Traîtrise, gravité, on te maîtrise, calibré. Situation clarifiée, Péris, what you pay? Alonso m'a validé. Je vais baiser le Ken comme t'as pas idée. La force est avec nous, les ports sont derrière nous. Les ports sont devant nous, verrons sans jamais si t'en détaillé comme un col, quand il pas bien ni check. On a l'habitude de casser des legues avec le pied. La musique de Dark Vador, on va m'offrir 40 grégousses. Elle aimerait que je les pousse, moi je veux juste qu'elle me les bouffe. Y'a rien à F. Wouh, et on place. Y'a rien à F. Wouh, et on place. Y'a rien à F. De Benri, t'aimes trop la masse de Mala. On va prendre une bouteille de Belvedere en guise de canne pour les MC qui boivent. Waouh, y'a rien à F. Yeah, yeah, le club est disponible sur le site wati-b.com. Dédicace à tous les gars, Benri, bonus, l'institut. On est là, vraiment ça. De Benri. Ah. De Benri, à l'instant. Remix d'Alonso. Yeah, yeah. Y'a rien à faire à l'instant. T'as entendu, il a validé Alonso à la fin du morceau. Et Alonso a validé à la fin du morceau. Il est même dans le clip, il est même dans le clip. Et j'allais dire, le clip, on peut le mater là, depuis quelques minutes. On peut le mater depuis 20h, allez-y, c'est un bon petit street clip réalisé pendant la tournée et pendant des petits moments de vie avec tous mes gars. Et Alonso est aussi dans ces moments de vie. Et donc le choix de ce remix? C'est un choix de cœur plutôt. C'est un choix de cœur, c'est vraiment, c'est une personne que voilà, moi j'ai rencontré depuis peu, j'aime bien son délire artistique, son délire humain aussi, on s'entend souvent, on s'entend bien. Ils ont la mal. On s'appelle souvent, ouais, comme on dit, on a la mala. Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé de faire le remix. Et il y a eu beaucoup de remix d'ailleurs. Ouais. C'est que voilà, ce morceau, il a été apprécié par le peuple. Ouais, et je voulais faire partie de ceux qui le soutiennent. Il y a Six qu'on a fait aussi. Aussi, il y a beaucoup de personnes. Six, ouais, il y a beaucoup de monde qui a fait ce remix d'Alonso, mais le tien était bien, brillant même à l'instant, de Beng. Une très bonne de Beng. Très très lourd. Très lourd de Beng. Et ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. La suite arrive. De Beng. Bon, alors on a eu Black M, de Beng. BY. Il manque BY. Mon gars. BY qui est là ce soir avec nous. Ouais, venu d'Orléans, tu es toujours Orléans, toi. Ouais, toujours sur. Toujours le 4-5. Bon, t'as quoi comme genre de texte à nous balancer? On te met même pas une instru, c'est nous, on fait le beat. C'est vrai? C'est nous, on fait le beat. Un nouveau concept, c'est eux qui vont faire le. Est-ce qu'on entend si vite? Orientez un peu peut-être les micros. Voilà. Ok, et on va être bon, et on va être bon. Vous êtes prêts? Quand vous voulez. C'est parti. Le nouveau-né. Le nouveau-né. Un. Ok. Yo. Mal de tête, l'état nous bassine. Poche sur ma feuille, j'oublie pas mes racines. Stylo de feu, mes faces les calcines. La rue nous fascine avec son argent facile. Il me jette l'œil, la vie check à un cil. J'prends les choses en main, j'attends pas qu'on me fascine. Malgré les coups bas, les galères, j'ai la dalle. Je les mange avec un peu de persil et j'pourrais même pira sur tes bras, mon cœur. Wesh, l'ennemi, pas de rancœur. Tu connais l'équipe WATIB. Trop véridique, j'ai nous pas de menteur. À gauche, c'est une belle caisse si t'as pas de moteur. T'es plus grand que moi, mais t'es pas de ma hauteur. Déconnecté, j'ai plus vraiment d'heure. Mais à l'heure, un parfum, l'argent n'a pas d'odeur. Donc m'affiche l'odeur, chacun ses ratures. Chacun ses ratures, rien de ses gravures. Mon air est sauvage, faut que je le capture. Je vais donner à ma mère de quoi payer 20 ans de facture. Pour son futur, je m'arrête pas, je bosse. J'ai besoin d'un conseil, je le demande de boss. Je suis un homme libre comme Wallace en Écosse. Terre depuis peu, on lit depuis qu'on est gosse. Rappel d'une boîte, tu t'es fait refoule. La vie c'est du poker, on rêve de gain full. Je m'éloigne des gens, ne me croyez pas fou. On l'a passé pêché en prenant des peines full. C'était BY sur Skyrock, une instru est née, Dadjouar a amené sa voix. On a tapé sur ce truc. Est-ce que vous avez attention. Parce que la prod, une prod, attention. Je veux cette prod. La prod. Ouais. Je veux cette prod. C'est du jamais vu. On a créé déjà, une prod à Skyrock. On va te saluer. Okay. Ça va? Ah ouais, Dadjou chez Sekai qui est là. Exactement, c'est moi-même. Et c'est toi qui faisais, donc. petite mélodie devant du... Honnêtement, j'étais au bout de ma vie au bout de 30 secondes, 35 secondes, je me suis dit mais quand est-ce qu'il va arrêter, tu vois. Et donc non, voilà. Bon, je... un morceau est né en direct là à l'instant. Et crois-moi, on va le faire celui-là. Ouais, on va le faire, on va le faire. Crois-moi, celui-là on va le faire. À fils on le fait. Celui-là on va le faire. C'est comme ça, c'est le Watibé, c'est le feeling, c'est il y a beaucoup de génie ici. Ça, tu t'es bien senti sur l'instru B-Way là ? Nickel, grosse prod, hein, grosse production. Grosse production. T'as vu les mecs qui ont signé la prod ? Il y avait Black M, The Bang, Dadju. Et il y avait DJ HQ. DJ HQ, la merde, ils entendaient pas les. Les claps. HQ, Pozzo. T'as vu HQ ? HQ qu'on n'a pas entendu encore avec sa voix magnifique, HQ. Meilleur DJ France. Comment ça va ? Yes. Ça va, on est là tranquille. Salut un petit peu la France qui attend ta voix depuis tout à l'heure. Bonsoir la France. Voilà. Tout est dit. Le mec est incroyable. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Ah ouais, il a juste dit bonsoir à la France. Ah ouais, j'avoue. Il mais dit avec, juste avec un bonsoir à la France. Mais avec son style, quoi. Juste ça. Bon, sur Skyrock, bravo en tout cas, BY. Voilà, merci. Je voulais juste dire que bientôt, il y a un petit freestyle là, Enfant du Peuple partie 1 qui va arriver. Donc voilà. Et je serai sûrement lundi pour soutenir le 17 pour soutenir Black à la Watch Boutique. Je passerai lui dire un petit bonjour. Donc si vous voulez me voir, venez nombreux Team BY ensemble. Donc 17 novembre Watch Boutique à partir de 16h pour la séance dédicace. Watch Boutique à partir de 16h, venez nombreux. Et le 21 novembre à la Watch Boutique de Marseille cette fois-ci. Pareil. Et n'oubliez pas, la réédition est disponible en précommande sur iTunes. Ouais, allez-y, soutenez. Allez cliquer. Je tiens à remercier tous les gens qui sont venus ce soir. L'Institut Méga Sûr. Tous les gens, vraiment tous, PDG. Le Wati PDG est là ce soir. Même des gens beaucoup moins connus, un gars sûr à moi qui s'appelle Chris, il est là aujourd'hui, ça fait plaisir. Et mon manager aussi, Mohamed, viens dire bonjour un peu. Eh ben voilà, Mohamed. Il est caché, Mohamed. Salut, gros big up, il est timide. Mohamed, gros big up à toi. Bon, là, entendu, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50€ plus ta nouvelle compil Planète Rap. Iliès de Verneuil, ça va bien, Iliès? Ouais, toi? Ça va, en pleine forme? Ça va. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Pourquoi pas, écoute. On y va, on fait tourner la roulette. C'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. Stop! Et la roulette qui va s'arrêter sur toi, j'allais dire pour toi, sur... Vaut mieux pas, elle est trop lourde. Par contre, lourde pour toi aussi, puisque tu repars avec 50€ en bon d'achat et la compile Planète Rap 2014 volume 3. On t'envoie ça du côté de Verneuil. Impeccable, merci. Merci à toi, Elias. Petite dédicace à passer, petit message. Allez, une petite dédicace à la Dream Team, tous les potes qui sont avec moi. Et allez les Bleus pour le match de l'espoir. Là. Eh bah, terrible. Allez les Bleus, merci à toi. Pas de soucis. Ciao, Elias. Merci à vous tous. Black M, demain le retour. Demain le retour. Pour déjà la dernière. Oh là, bah oui, et puis en même temps, on vivra les dernières minutes avant de monter sur scène, puisque juste après, je dis ça parce que tu seras à Clermont-Ferrand. Juste après, je suis à Clermont-Ferrand. Le concert n'est pas annulé, vous inquiétez pas, il y aura le Planète Rap et il y aura évidemment le concert de Black M. Black M y sera, puisque c'est une grosse tournée Skyrock à pas louper près de chez vous. Et la prochaine date à Clermont, merci BY, merci à toute l'équipe. Ouais, Fred, ça fait plaisir. Le H de Guerre qui était là avec nous, l'Inso aussi. Et tous les autres invités de ce Planète Rap. Allez choper la réédition. On va retrouver D-Fool maintenant sur Skyrock. Eh oui, avant d'aller choper la réédition lundi. Ça va Black M? Ça va et toi? Ça va bien. Toujours. Bonne soirée encore avant demain soir, la dernière de la semaine, à pas louper. Tu me connais, moi, je vais toujours bien. Oui, bah écoute, ça nous fait plaisir. Nous aussi, ça va pas mal, hein, ce soir, Black M. Cool. D'abord, c'est pas ce soir que tu viens nous faire un petit coucou? Si, j'arrive, là. Ah, très bien. Donc, Black M, le retour. Donc, après Planète Rap, c'est les prolongations qu'on va faire dans les la radio. Prolongations, voilà. J'arrive. Allez, prolongations en direct. Vous tous en direct aussi, dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. L'équipe vous attend. Iggy Zelea va démarrer l'émission. On démarre avec Iggy. Et on retrouve Black M. Et bien, dans un instant, si vous avez des trucs à dire à Black M, profitez-en, hein, vous nous laissez vos messages. Pour tout le reste, c'est pareil. On vous attend en direct, dès maintenant. Et Fredo, demain soir, 20h. Oui. Le retour De façon 20 ans pour Planète Rap. Salut la Marie. Oui, je me disais, qui fait ce yé? C'est une américaine. Et pareil, moi, Fred, il y a une surprise qui arrive. Je me suis retourné dans un quinri ou un quinri. T'as dit, quelle est cette belle femme? Yeah. Allez, qui débarque dans le studio? Iggy Azalea, elle est australienne, elle arrive. Non, c'était la Marie, hein, c'était pas Iggy. Hein. Non. Non, clairement pas, non. C'est dans une minute sur Skyrock. A tout de suite, Black M, à tout de suite, Fred. Ciao. À tout de suite.